Chapitre 3e. Lambert d'une gloire. Tandis que Mouchon célébrait le maître de la mer, celui qu'il appelait ainsi roulait dans son automobile vers le ministère des Finances. Au moment où la machine rongeait le trottoir, à la hauteur des guichets du Louvre, elle faillit tamponner un passant qui débouchait de la voûte du pavillon de Rouen et s'engageait d'un pas rapide dans la rue de Rivoli. Visiblement absorbé par de graves préoccupations, et peu familiarisé, semblait-il, avec le mouvement des carrefours parisiens, l'homme ne fut préservé d'un choc dangereux que par un virage savant du chauffeur. La mise et l'allure du piéton décelaient un officier en civil. Ce petit incident de rue intéressa un jeune garçon pâtissier, de ceux qui s'en font une éducation encyclopédique devant les images étalées sur les éventaires des kiosques. Le mitron reconnut la tête de l'officier pour l'avoir longuement contemplée, la veille, sur la couverture des journaux illustrés. Et un coup d'œil le renseigna sur la nationalité très apparente de l'étranger qui filait dans l'automobile. Les sentiments du Gavroche se manifestèrent dans l'appel qu'il lança d'une voix de fausset. « Oui, l'Église, écrase un peu voir le capitaine Tournoël. Ta peau ne m'aidera pas cher. » Le passant traversa la chaussée, inattentif à cette caresse de la popularité comme il l'avait été au ronflement de l'automobile. Populaire, il l'était depuis peu, pour quelques jours, pour l'instant où Paris paye d'un engouement furtif les héros qu'il découvre par hasard. La ville femme réserve ses longues faveurs aux talents dont elle est juge, à ceux qui amusent ses loisirs ou flattent ses passions sans s'éloigner d'elle. Au mérite lointain et d'un ordre qui lui échappe, elle accorde la brusque projection du rayon électrique, le bref applaudissement qu'elle donnerait au meilleur ténor s'il chantait sa romance dans un idiome inintelligible. Or, les vrais titres de gloire du jeune officier n'étaient pas facilement vérifiables pour tous. Lieutenant de chasseur à pied détaché près d'un gouverneur du Soudan, il avait sollicité et obtenu la mission d'explorer les seules régions encore inconnues de l'Afrique, le Kanem et le Wadaï. Deux années durant, il avait disparu dans ses sourdes ténèbres. La conduite de sa mission et le livre où il en résumait les travaux le plaçaient très haut dans l'estime des spécialistes. Nul de nos Africains ne s'était signalé par des qualités plus solides et plus brillantes. Tous les dons du grand explorateur semblaient départis à Louis de Tournoël. De bons juges égalaient ses découvertes et le récit qu'il avait fait au mémorable voyage de Nartigal, le seul Européen qui l'eût précédé dans l'Ouadaï, 30 ans plus tôt. Féconde en résultats scientifiques, la mission Tournoël ne l'était pas moins en promesses d'ordre pratique. Elle avait reconnu des territoires fertiles et peuplés sur de vastes espaces que l'on croyait désertiques. Des indices irrécusables y révélaient des filons d'or, de cuivre, d'anthracite, et d'habiles traités passés avec les principaux chefs assurait à la France les droits du premier occupant sur ces immenses domaines encore vacants. Déjà notoire dans le monde savant, dans les cercles coloniaux et militaires, le nom de Tournoël restait ignoré de la foule. La popularité lui vint, soudaine et retentissante, d'un accident heureux qui eut des suites malheureuses. À peine rentré de son premier voyage, le jeune lieutenant, promu capitaine, avait reformé au Sénégal une petite colonne pour achever la conquête ébauchée. Reparti du Haut-Niger, il venait de Zinder et allait atteindre la rive septentrionale du lac Tchad, quand la route lui fut barrée par le sultan du Bornou. L'ancien esclave, devenu le maître d'un de ces empires éphémères qui naissent et passent comme des tornades sur le Soudan, était alors au fait de sa puissance. Gêné au midi par les postes allemands et français établis dans le sud du Tchad, il s'était brusquement rejeté vers le nord. Tournoël, menacé à l'improviste par le reflux de ses hordes, paya d'audace et leur fit tête. Il lança sur le camp du sultan sa poignée de Sénégalais. Surprise par la vigueur de l'attaque, l'armée du Bornou se débanda. Le capitaine poussa vivement son redoutable adversaire jusque dans Kouka, s'empara de sa personne et de sa capitale. Ce beau fait d'armes, bientôt connu en France, y avait réjoui un peuple qui rêve toujours au succès militaire dont il est déshabitué. Mais le Bornou, comme on sait, est rangé par les traités de dévolution dans la sphère d'influence anglaise. Influence purement nominale. les Anglais n'ayant pas encore pénétré dans la région qu'ils se sont fait attribuer. Un cas de force majeure y avait entraîné la petite troupe française. Contrainte par les stipulations internationales, elle avait dû abandonner à d'autres tous les fruits de sa victoire et se retirer hors de l'empire conquis en quelques jours. Elle s'était tristement repliée. À la suite de cette aventure imprévue, la mission désorganisée n'avait pu remplir son objet à l'orient du lac Tchad, dans le Kanem et le Wadaï. Son chef avait reçu l'ordre de la disloquer et de rentrer en France. Rentrée triomphale pour l'officier qu'elle désolait. On l'admirait et on le plaignait. La France n'ouvre tout son cœur de mère qu'à ses héros malheureux, meurtris par leur succès même. Elle garde ses plus chaudes tendresses et ses plus belles légendes pour un Roland, pour une Jeanne d'Arc. Tournoël bénéficiait d'une inclination sentimentale aussi ancienne que notre histoire. Les coloniaux, navrés de cette déconvenue, banquetaient en l'honneur du capitaine. Ils le produisaient dans les sociétés de géographie, devant un public qui s'étouffait pour l'acclamer. Les feuilles d'opposition adoptaient bruyamment le héros sacrifié. La plupart ne savaient pas bien où était Kuka, mais elles savaient de science certaine que le gouvernement avait trahi. La galerie s'amusait au spectacle dont les répétitions fréquentes la mettent toujours en joie. D'une part, ce gouvernement inquiété par l'ombre d'une renommée militaire, taureau qui s'effare au moindre claquement d'un drapeau, croit apercevoir sous ses plis l'épée levée pour le juguler, fonce maladroitement sur l'épouvantail. D'autre part, une opposition qui le harcèle avec le nom de l'officier populaire et pique sans relâche cette banderie dans les flancs du ruminant affolé. Propagé par ce jeu de presse, le nom de Tournoël était sur toutes les lèvres. On l'invitait dans les salons à la mode, et les gens qui attendent un sauveur dans les cafés s'interrogeaient gravement « Serait-ce enfin lui ?» Novice aux intrigues politiques, le favori du moment s'était mépris tout d'abord sous le sens des acclamations que son nom soulevait. Comme tous ses pareils, l'explorateur était possédé par la passion de sa découverte. Il n'y avait pour lui dans le vaste monde qu'un seul objet digne de l'effort commun, un seul intérêt urgent, un seul empire désirable, ce futur empire du Kanem et du Wadaï qu'il voulait faire nôtre et dont la conquête devait occuper la France, toute autre affaire cessante. Il était revenu à Paris avec l'espoir de gagner tous les cœurs à la fois qui brûlaient le sien. Sa propagande allait convaincre les incrédules, l'accueil enthousiaste du public lui en était garant. Lorsqu'il courait de la gare de Lyon au ministère des colonies, encore tout ému de la réception triomphale, de la griserie des vivats, de la chaude étreinte des mains inconnues, il lui pariait volontiers que chaque passant coudoyé dans la rue pensait comme lui à la grande, à l'unique affaire de France, la pénétration du Wadaï. Une seule crainte le tourmentait. Certes, on se rendrait à l'évidence de ses arguments, mais peut-être ne ferait-on pas assez vite, assez grand. Renseigné par l'expérience sur les convoitises rivales, sur la rapidité d'action de nos compétiteurs, il redoutait le retard ou le faux mouvement qui laisserait échapper cette magnifique aubaine. Il ne fallait pas perdre une année, un mois, un jour. Ses premières visites au ministère avaient été autant de douches glaciales. En haut, chez les détenteurs du pouvoir, en bas, dans les bureaux où le pouvoir se monnaie, il n'avait rencontré qu'objections, difficultés, promesses dilatoires. Aux démonstrations qu'il jugeait irréfutables, à ses adjurations pressantes, on ne répondait que par des hochements de tête, par des échappatoires décourageantes. Prudence nécessaire, circonstances défavorables, insuffisance de crédit, obligation d'en finir au préalable avec d'autres entreprises. Les plus francs lui laissaient entendre qu'il arrivait comme un fâcheux, avec sa petite marotte, au travers des combinaisons de la politique générale, intérieure et extérieure. Les exigences de cette politique ne permettait pas de donner suite aux projets caressés en d'autres temps. Son épopée intempestive au Bornou avait réveillé les pires animosités, créé les plus grands embarras. Il ne devait s'en prendre qu'à son héroïsme maladroit si toute action en Afrique devenait plus malaisée à la suite de cet éclat. 15 jours après son arrivée à Paris, cet homme acclamé par la foule, jalousé par les camarades qui enviaient sa chance folle, ce glorieux vainqueur marchait tristement dans les ruines de ses espérances. Heureux encore quand il pouvait accuser l'incompréhension de ses chefs ou leur mauvaise volonté. Les plus pénibles quarts d'heure étaient ceux où sa raison le forçait à reconnaître la justesse de certaines objections, la subordination fatale de ses projets aux intérêts complexes dont les directeurs de notre politique avaient le légitime souci. Il voyait surgir de grosses questions, d'immenses terres, autour et au-dessus de cette terre africaine qui lui avait masqué pendant des années le reste du monde. Elle se rapetissait en proportion, décroissait déjà dans le lointain, redevenait une tache blanche sur la carte. Ce blanc vide qu'elle était avant, qu'il ne lui remplit de ses découvertes, qu'elle continuait d'être pour tous ceux qui n'avaient cure de son exploration. Terre promise du rêve, où le dormeur éveillé ne rentrerait jamais. Monde entrevu, dont il avait seul la clé, et qui allait redisparaître dans les ténèbres, puisqu'on lui retirait cette clé. Autant que son empire idéal et dans la même mesure, ce roi détrôné sentait décroître sa propre personnalité. Là-bas, en Afrique, avec sa petite colonne, il était souverain absolu des vastes espaces, seul maître de ses volontés et de son action. Les sultans s'inclinaient devant le grand chef blanc, les peuplades soumises lui obéissaient. Il abordait d'un cœur confiant les plus grosses difficultés, conscient d'avoir en soi tout pouvoir et toute force pour les vaincre. À Paris, il n'était plus qu'un pauvre capitaine, rappelé 20 fois par jour à la modestie de son rang. Nulle autre force que ses faibles moyens de persuasion, déjà paralysés par son découragement. Tous ceux qu'il sollicitait avaient le droit de lui commander. Ses heures se consumaient dans l'attente des audiences, tandis que passaient devant lui les officiers supérieurs, les chefs de bureau, importants, les mains pleines de paperasses, qui accaparaient l'attention du ministre et ne valaient pas, à l'estime de Tournoel, un hectare de sable du Wadaï. Qu'il se voyait petit, perdu, dans cette brousse des bureaux, plus redoutable 100 fois que la brousse africaine. En dehors même du service et de la hiérarchie militaire, tout lui était amoindrissement et gêne dans les habitudes qu'il fallait reprendre. L'obéissance de chaque minute aux consignes de la discipline sociale, la nécessité de compter avec ses modiques ressources pour vivre chichement. Certes, il avait subi en Afrique de dures privations, de cruelles misères physiques, mais avec quel entrain, quel mépris de ses misères dans l'allègre emportement de l'action. Ici, il retrouvait un confort relatif, mais à quel prix? Ces plaisirs mêmes de Paris, dont l'exilé avait rêvé souvent, au soir de fatigue et de nostalgie, lui apparaissaient maintenant fades, vulgaires, impuissants à le réjouir. Les vraies joies étaient restées là-bas, avec les enivrantes sensations de puissance, de liberté, avec les grands risques et les triomphes où le cœur exulte d'une aise indicible. Les vraies nostalgies, il les éprouvait sur le sol natal, quand il songeait au sol conquis, et il y songeait toujours. Par moments, il étouffait dans cette petite potinière parisienne, toute repliée sur ses petits intérêts. Tout lui pesait, la vie sédentaire, après les longues orgies de grand air et de mouvements qui fouettent le sang, les écritures inutiles, commandées par des supérieurs qui peut-être ne les liront pas, au lieu des ordres substantiels, dictés à des sous-officiers, exécutés sur le champ comme les décrets d'une déité terrible. Tout, et plus que tout, le gaspillage de ses facultés d'attention, paresseusement égrenées sur les nouvelles des journaux, sur les petits secrets colportés dans les couloirs de son ministère, sur 1000 affaires qui n'étaient pas siennes, où il ne pouvait rien. Emploi misérable d'une intelligence si vigoureusement ramassée, la veille encore, sur des entreprises dont il était le seul conducteur et le souverain arbitre. Que lui importaient les ovations des auditoires dans les amphithéâtres où on le faisait parader? L'amertume de ses déceptions le rendait injuste. Dans cet élan spontané de la foule, il ne voulait plus voir qu'une curiosité badaude, un tribut payé au goût de l'aventure par des gens incapables de comprendre ses idées, ses projets, la grandeur tragique d'une partie où se jouait l'avenir de notre empire africain. Ses avocats attitrés ne lui inspiraient guère plus de confiance. Leur manège était trop visible. Il se servait de son nom comme d'une arme de combat. Il complotait d'arracher le fier soldat à sa haute mission patriotique pour faire de lui un de ces politiciens qu'il méprisait. à la suite de quelques manifestations bruyantes organisées en son honneur, Tournoel avait cru remarquer de singuliers changements dans l'accueil qu'on lui faisait aux divers étages des ministères. Le personnel subalterne des bureaux, indifférent jusqu'alors et rétif aux moindres demandes du jeune capitaine, lui marquait maintenant une déférence attentive. Parlait-il à un de ses fonctionnaires, son auditeur l'écoutait avec un vif intérêt. Mais ce n'était point l'explication technique qu'on écoutait, c'était la voix de l'homme qu'il faudrait peut-être ménager demain. Deux yeux inquiets le dévisageaient, tels naguère les yeux de ses noirs, comme pour percer son secret et discerner sur son front le signe du maître attendu. L'accueil devenait au contraire plus glacial dans le cabinet des dirigeants. L'officier n'y avait rencontré d'abord qu'une hésitation explicable par l'audace des plans qu'il proposait. Il la sentait se changer en hostilité contre sa personne, et la même défiance ombrageuse rembrunissait les physionomies dans les cercles politiques, dans les comités parlementaires qu'il essayait d'intéresser à ses vues sur le Soudan. Le matin du jour où commence ce récit, Tournoel était allé tenter un suprême effort au pavillon de Flore. Il avait rédigé un nouveau programme d'expédition. Il y avait réduit au minimum ses demandes d'hommes, d'argent, de liberté d'action. Une fois de plus, on l'avait éconduit, et cette fois, les déclarations étaient catégoriques. Les ressources budgétaires et la politique générale ne permettaient jusqu'à nouvel ordre aucun mouvement dans le Soudan. On lui avait d'ailleurs montré une sollicitude touchante pour sa santé. Elle devait être délabrée, quoiqu'il n'en voulût pas convenir. Il ferait sagement de prendre un long congé et de l'employer à se rétablir dans quelques stations thermales. Comme il sortait du cabinet ministériel, un camarade de promotion l'avait entraîné d'un geste amical dans l'embrasure d'une fenêtre. Le bon apôtre lui avait tenu un petit discours, évidemment soufflé à cet intermédiaire officieux. Dans l'intérêt même de ses chères idées, le capitaine devait s'effacer momentanément. Cette brillante et gênante affaire du Bournou l'avait brûlée. Elle avait fait de son nom une provocation aux puissances rivales, aux parlementaires prévenus contre l'expansion coloniale. On ne renonçait pas à poursuivre son œuvre au Wadaï, mais il fallait escamoter la chose à petit bruit, sous main, en la confiant à quelque officier plus obscur, moins guetté par nos compétiteurs en Afrique et par les censeurs du palais Bourbon. Plus tard, quand les circonstances le permettraient, on ferait certainement appel à l'initiateur de l'entreprise pour achever ce qu'il avait si bien commencé. En attendant, il ne pouvait mieux la servir que par un sacrifice méritoire. Ainsi, un autre allait moissonner le grain qu'il avait semé, gâcher peut-être l'œuvre esquissée à si grande peine. En cas de réussite, un autre recueillerait la gloire qui lui était due. Colomb devait céder à un Amérique Vespuce le monde qu'il avait découvert. C'était le coup de grâce. Et c'était pourquoi Louis de Tournoel, au sortir du pavillon de Flore, traversait le carrousel comme un somnambule, l'esprit si accablé qu'il ne prenait plus garde aux choses extérieures, pourquoi il avait failli se jeter sous l'automobile de M. Robinson. Il reprit conscience de lui-même à la porte de son gîte, un modeste hôtel de la rue de Richelieu. Un souvenir lui revint. Moucheron l'attendait au rendez-vous fixé la veille. Les deux hommes avaient lié connaissance le jour même où le capitaine rentrait à Paris. Délégué par un journal pour confesser le héros africain, Émile s'était fait bien voir. Tournoel lui avait su gré de l'article intelligent et discret où ses idées étaient exactement rendues. Le subtil Moucheron avait cultivé cette relation flatteuse. Il s'était institué l'un des cornacs du guerrier populaire. La veille au soir, l'officier avait vu arriver le journaliste avec un rouleau de papier. « Bonne nouvelle, mon capitaine. Une société sérieuse est en voie de formation pour exploiter votre Eldorado. Des commerçants, des financiers, emballés par votre livre et vos conférences. » Le premier geste de Tournoel fut un haussement d'épaule, accompagné d'un sourire significatif. Il en avait déjà vu rôder autour de lui, de ses faiseurs qui l'interrogeaient à tout hasard sur le Wadaï, pour préparer de longue main le lancement de quelque affaire hypothétique. Émile continua. « Un attrape-gogo, pensez-vous ? Je vais vous rassurer d'un mot. Le maître de la mer, l'archimilliardaire Robinson, se dit prêt à souscrire quelque part. Celui-là ne s'avance pas à la légère. Il l'a fait rédiger, d'après vos exposés, ses notes sommaires sur les entreprises qui auraient chance de prospérer au Wadaï. Il m'a même chargé de vous les soumettre. Il serait enchanté d'en causer avec vous. Si vous voulez bien lui donner un instant, je serai très honoré de vous conduire chez lui demain matin. » À ce nom de Robinson, jeté avec assurance par Mouchon, un vif étonnement se peignit sur le visage de Tournoel. Si le journaliste disait vrai, que venait faire là ce colossal remueur de millions très réel? Avec lui, il ne pouvait être question d'une filouterie vulgaire. L'explorateur, renseigné par goût et par état sur tous les grands mouvements d'expansion, connaissait bien la puissance et le rôle mondial de M. Archibald Robinson. Mais quel intérêt pouvait-il prendre au plateau de l'Afrique centrale, ce spéculateur qui s'était donné pour objectif l'accaparement de toutes les routes maritimes? Le démon de l'amour-propre ne perd jamais ses droits. Tournoel se dit que sa parole ardente avait su communiquer au plus réaliste des hommes d'affaires la foi qu'il avait lui-même dans l'avenir économique du Soudan central. Aiguillonné par cette pensée flatteuse, il se mit aussitôt à parcourir les notes. Il les lut avec une surprise et une satisfaction croissante. Ouverture de marché sur les points qu'il avait désignés, exploitations agricoles et minières, établissement industriel à créer sur la vaste concession sollicitée par la compagnie à charte du Wadaï, tout dans ce projet reflétait ses plus intimes pensées. Sur certaines questions que l'officier n'avait pas traitées publiquement, le rédacteur des notes devinait et devançait les solutions où Tournoel inclinait dans son fort intérieur. Sous le coup de cette vive impression, il promit à Moucheron de l'accompagner le lendemain chez M. Robinson. L'impression eût été plus forte encore si l'officier n'en avait pas été distrait ce soir-là par le souci de la partie décisive qu'il devait engager le lendemain au ministère des colonies. Cette partie, il venait de la jouer et de la perdre, irrévocablement. Quand ses regards rencontrèrent sur la table les notes parcourues la veille, un sentiment amer gronda au fond de son âme. Et quoi ? Ses chefs, ses confidents et ses protecteurs naturels, ceux qui savaient tout, qui avaient charge des intérêts de la France, cela leur poussait. Nul d'entre eux n'avait su voir ce que l'appât du lucre faisait deviner à un étranger. Un seul homme l'avait compris et comprenait du même coup l'avenir. Cet étranger, ce brasseur d'affaires, un boursier que rien ne préparait à l'étude des problèmes africains. Tournoel allait ressortir pour gagner la rue Scribe. L'enchaînement même de ses pensées le fit hésiter. Un brasseur d'affaires, s'était-il dit. Et c'était là qu'il courait pour demander audience à cette heure de détresse morale. L'humiliation des rebuts qu'il venait d'essuyer dans les ministères, les mille petites déchéances dont il souffrait depuis qu'il avait troqué sa vie de grand roi du désert contre la mesquine condition d'un capitaine écrasé par la hiérarchie, contre la médiocrité d'un passant perdu dans la cohue égalitaire, tout exaspérait depuis quelques jours sa susceptibilité chatouilleuse. Elle se rebiffa soudain à l'idée qu'il allait faire les premiers pas vers ce Barnum américain. Soldat et rien que soldat, issu d'une lignée de gentilshommes pauvres et fiers, Louis de Tournoel avait le mépris instinctif de l'argent, l'aversion irraisonnée du noble rural à l'endroit des hommes d'argent. Les affaires pour lui c'étaient des tripotages. Endolori dans toutes ses fibres comme il l'était à cette heure, il s'étonna d'avoir accepté une invitation aussi cavalière. Qui trouverait-il chez le spéculateur, vraisemblablement ces politiciens tarés, entremetteurs de combinaisons louches qu'ils toisaient de haut quand ils les rencontraient dans les couloirs du pavillon de Flore? Et comment ces aigrefins interpréteraient-ils sa présence dans l'antichambre de Robinson? Non. Le vainqueur du sultan de Kouka ne s'abaisserait pas à cette démarche équivoque chez un agioteur. Il appela son ordonnance, griffonna quelques mots sur une carte, expédia le soldat Ruscribe. Il se disait empêché de rejoindre Moucheron, il pria le journaliste de venir déjeuner avec lui dans une taverne de la rue Royale.